بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ouais, c'est ça. Ok, khair, inshallah. Donc, on va commencer. Donc, la suite de notre conférence sur la fraternité, les droits de la fraternité de Cheikh Saleh Al-Sheikh. Et on est arrivé maintenant, donc, à l'explication du quatrième droit de la fraternité en islam. الشيخ الزي أن تجنب أخاك سوء الظن به لأن سوء الظن به مخالف لما تقتضيه الأخوة إذ مقتضى الأخوة أن يكون الأخ لأخيه فيه الصدق والصلاح والطاعة وهذا الأصل في المسلم أنه مطيع لله جل وعلا فإذا كان من إخوانك الخاصة فإنه يكون ثم حقان حق عام له وحق خاص بأن تجنبه سوء الظن وتحترس أنت من سوء الظن وربما وربنا جل وعلا نهى عن الظن فقال سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Donc le cheikh il dit parmi les droits de la fraternité c'est que tu t'écartes de la mauvaise pensée ou de la mauvaise suspicion que tu peux avoir envers ton frère parce que ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec ce qui implique la fraternité. Donc tu ne dois pas penser du mal de ton frère ou avoir des mauvais soupçons au sujet de ton frère. Pourquoi? Parce que la fraternité, elle implique quoi? Elle implique la sincérité, elle implique le bien, elle implique l'obéissance à Allah. Et donc, ça c'est la base chez le musulman. Ok? Donc ça veut dire que le musulman, à la base, il obéit à Allah, Jalla wa Ala. Donc si cette personne fait partie de tes frères de façon plus particulière, alors lui, il a deux droits à ce sujet-là. Il a un droit général de l'islam qui interdit que tu penses du mal de lui, et un autre droit encore plus particulier, que tu t'écartes de la mauvaise pensée et de la suspicion, et que tu te préserves même de penser du mal contre lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran de penser du mal. Il a dit اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. C'est-à-dire écartez-vous beaucoup de ou bien écartez-vous de beaucoup de suspicions car une partie de la suspicion est un péché. Car une partie de la suspicion est un péché. Ça c'est le verset 12 dans Surat Al-Hujurat. Le cheikh dit قال العلماء إن الظن منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. نعم. ما هو محمود. أما الظن المحمود فهو ما كان من قبيل الأمارات والقرائن التي هي عند القضاة وعند أهل الإصلاح وأهل الخير. فالقاضي يقيم الحجة ويطلب البينة، وكثير منها قائم في مقام الظنون، ولكن هنا يجب أن يأخذ بها. أما الاجتناب فهو أن تظن بأخيك سوءا وشرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، فهذا عام نهي عن الظن من جهة الأقوال، ونهي عن الظن من جهة الأفعال، فإن الظن أكذب الحديث، وهذا نصه عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que يعني Allah subhanahu wa ta'ala il interdit donc la suspicion envers nos frères. Et il dit que les ulama ont divisé al-dhan en deux catégories. Une catégorie de dhan qui est blâmable, et une catégorie de dhan, de suspicion, qui est louable. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Inna ba'd al-dhan ism ». C'est-à-dire que certaines formes de suspicion sont un péché, et non pas toutes les formes de suspicion sont un péché, parce qu'il y en a une partie de dhan qui peut être quelque chose de louable et de bien. Et le cheikh il explique c'est quoi la différence entre les deux. Donc il dit que en ce qui concerne la suspicion qui est louable, c'est laquelle? C'est la suspicion dans les choses dans lesquelles on a des indices. Par rapport au juge lorsqu'il va établir un procès contre quelqu'un, il intente un procès contre quelqu'un, des fois il a des témoins, des fois il n'a pas de témoins, sauf qu'il a des indices qui indiquent la culpabilité de quelqu'un. Et ces indices-là, ça fait partie de ce qu'on appelle un dhan. Mais sauf que dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui de prendre par rapport à ses vannes pour établir la culpabilité de la personne. Donc, le fait que les juges ou les gens du bien utilisent ces indices-là et ces formes de vannes pour établir la preuve, ça, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est obligatoire. Tandis que la forme de vannes, de suspicion, qu'on est obligé de délaisser et dont on doit s'écarter, c'est lorsque tu penses du mal de ton frère, hein, et ça dans ce cas-là c'est pas permis. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez garde à la suspicion, et donc il dit ça c'est de façon générale, et ça comprend dans les paroles et ça comprend dans les actions. Donc tu ne dois pas penser du mal et avoir des mauvais soupçons sur ton frère dans ses paroles ou dans ses actions qu'il fait. Par exemple, tu l'entends dire une parole ou tu le vois faire quelque chose. Et cette chose-là pourrait impliquer un bien ou un mal. Tu ne peux pas savoir exactement qu'est-ce que ça implique. T'as de la difficulté à interpréter cette action ou cette parole de la personne. Dans ce cas-là, tu l'interprètes en lui donnant la meilleure signification et le meilleur sens possible, et tu t'écartes de la mauvaise pensée. Il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la suspicion, c'est la plus mensongère des paroles. OK, donc ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit "Adh-dhannu huwa akdhabu ma yakunu fi qalbik. Fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Fa idha haddathtaka aw hadathatka nafsuka min dakhilika bidhunun fa'lam anna hadha huwa akdhabu al-hadith. Idhan حق أخيك عليك أن لا تظن به إلا خيرا وأن تجتنب معه الظن السيء كما أمرك الله جل وعلا بذلك بقوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فالظن السيء إثم على صاحبه يأثم به لأنه خالف الأصل لأنه خالف الأصل أو خالف الأصل وقد روى الإمام أحمد في الزهد ورواه غيره أن عمر رضي الله عنه قال ناصحا لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. Donc le cheikh il dit que la pensée la mauvaise pensée, la suspicion, c'est la plus mensongère des paroles et c'est plus c'est une des choses les plus mensongères hein, de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme parole en toi-même, dans ton cœur. Hein, que tu penses dans ton intérieur du mal de ton frère et que tu te dis en toi-même du mal de ton frère dans ton cœur. Sache que ça c'est la chose la plus mensongère de toutes les paroles. Parce que tu ne peux pas savoir. Tu vois quelqu'un qui agit de telle façon, qui fait telle chose, tu commences à interpréter cette action-là et à penser du mal. Ah, il a dit ça, ça veut dire qu'il pense ça. Ou il pense ça. Ou il a fait ça, ça veut dire qu'il a fait ça parce qu'il pensait ça. Ou parce qu'il a voulu faire ça parce que à cause de telle chose. Et pour de vrai, la vérité, c'est que tu sais même pas si c'est ça ou non. La meilleure chose dans ce cas-là, c'est d'aller vérifier, d'aller clarifier l'affaire avec la personne. Pour lui dire, écoute, je t'ai vu, t'as dit telle parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ou t'as fait telle action, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le but? Hein? Comme ça, ton cœur, il va être clair. Mais au moins, tu vas pas continuer à penser du mal de la personne. Donc, c'est un exemple. Donc, c'est un droit que ton frère a sur toi, que tu ne penses de lui que du bien, et que tu t'écartes avec lui de tout mal. Hein, ça, c'est qu'est-ce que Allah t'ordonne. Hein, et il dit, dans le Coran, dans le verset 12, dans Surat al-Hujurat, écartez-vous de beaucoup de suspicions, car certaines suspicions sont un péché. Donc, la suspicion en elle-même, elle est un péché pour la personne qui le fait. Et c'est un péché, pourquoi? Parce que c'est en contradiction avec qu'est-ce qu'on sait de la base en islam pour un musulman. C'est que le musulman, à la base, il est correct, il est bien, il est bon. Et l'imam Ahmad, ça a été rapporté à son sujet dans son livre Az-Zuhd, comme d'autres également l'ont rapporté, que Omar radiallahu anhu, il a dit, en donnant la nasiha à quelqu'un, ne pense pas du mal de ton frère pour une parole qui est sortie de sa bouche, si tu es capable de la prendre dans une signification qui est bonne. C'est-à-dire, si tu vois que ton frère, il a dit une parole, puis que cette parole-là, tu penses qu'elle est mauvaise, sauf que dans cette parole, il peut y avoir une bonne signification. Si tu peux l'interpréter d'une bonne façon, prends-le dans le bon sens, dans ce cas-là. C'est de penser du bien de nos frères, de ne pas avoir des suspicions, mauvaises suspicions sur nos frères. Donc le cheikh, il continue à ce sujet-là en disant « لاحظوا أنه نهى عن الظن السيء في الأقوال ما دام يحتمل الصواب لأن الأصل أنه إنما يقول الصواب لا الباطل فإذا كان الكلام يحتمل الصواب فوجه إلى الصواب فيسلم أخوك من النقد ويسلم من الظن السيء وتسلم أنت من الإثم وأيضا يسلم هو من أن يتأثر به ويقتدى به ولهذا قال عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المعروف المؤمن يطلب المعذير أي يلتمس المعذرة لأن الأحوال كثيرة والشيطان يأتي للمسلم فيجعله يحدد معنى الكلمة بشيء واحد حتى يوقع العداوة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويترتب على ذلك أن تكون ظنا سيئا فتأثم وحتى يكون بينك وبين أخيك النفرة وعدم الائتلاف. Donc le cheikh il dit que remarquez que l'interdiction c'est يعني de penser du mal de nos frères dans la parole ici. Donc qu'est-ce qu'on a mentionné avant? Donc du moment que la parole peut avoir une peut être prise d'une façon bonne et peut avoir une signification qui est correcte, alors dans ce cas-là, il faut le prendre dans le sens correct. Parce que à la base, c'est que le musulman, il dit ce qui est correct, il ne dit pas ce qui est faux. Donc si tu peux donner à cette parole une signification correcte, parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, par exemple, une parole ambiguë, une parole équivoque, qui peut avoir une signification qui est bonne, et une signification mauvaise en même temps. C'est-à-dire, si tu le prends de telle façon, c'est pas bon. Si tu le prends de l'autre façon, c'est bon. Donc, dans ces cas-là, la base, c'est que tu le prends dans le bon sens, sa parole. D'accord? Le cheikh dit, madame, al-kalam yahtamil al-sawab. Du moment que la parole, elle peut avoir une signification qui est bonne, tu le prends dans le sens qui est bon et non pas dans le faux. Il dit donc, dans ce cas-là, ton frère, il va être exempté de la critique, exempté d'avoir une mauvaise pensée envers lui, et puis il va être exempté, et toi, tu vas être exempté du péché. Et également, un autre bienfait de ça, c'est que il ne va pas être affecté par ça, puis on ne va pas le prendre comme modèle dans cet exemple de choses-là. Donc il mentionne la parole de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un des imams parmi les imams des salafs. Hein, on l'appelait imam Amir al-Mu'minin fil hadith. Hein, c'était un grand savant parmi les savants, à l'époque de l'imam Malik ibn Anas. Donc il était un des grands imams parmi les ulama des salafs, des ulama de hadith. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le musulman, il doit chercher des excuses. Le croyant, il doit chercher des excuses. C'est-à-dire, il doit chercher des excuses pour ses frères. Hein? Quand ils font quelque chose ou ils disent quelque chose, cherche des excuses pour ton frère. Donne-lui des excuses. Comme tu aimerais qu'on te donne des excuses à toi aussi. Il dit, لأن الأحوال كثيرة. Il y a beaucoup d'états, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent arriver. Et le shaitan, lui, il vient, ok, il vient aux musulmans. Et puis, il essaie de venir limiter la signification d'une parole à une seule chose, pour mettre de l'animosité et de la haine entre les musulmans. Et il mentionne le verset, justement, le verset 91 dans Surat Al-Ma'ida à ce sujet-là. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que le shaitan veut uniquement mettre entre vous l'animosité et la haine dans l'alcool et dans les jeux de hasard, et il veut vous obstruer, hein, vous empêcher de vous rappeler d'Allah et de faire la salat. Alors, est-ce que vous allez vous abstenir? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. N'allez-vous pas vous abstenir? Donc, yani, parmi les conséquences du fait que tu... que tu penses du mal de ton frère, c'est que tu fasses un péché. Et par la suite, ça va causer, ça va faire en sorte que vous allez vous écarter les uns des autres, vous enfuir les uns des autres, et que vous n'allez pas être réunis et que vous n'allez pas vous aimer entre vous. Le cheikh, il explique ici un point important, puis on va commenter sur ce point-là pour clarifier certains détails. Il dit, هناك أصل من الأصول في فهم الكلام وهو أن لكل كلام دلالة ودلالة الكلام عند الأصوليين متنوعة ومن دلالته ما يسمى بالدلالة الحملية يعني دلالة السياق على الكلام لأن الكلام إذا أخذ بمفرده دل على شيء ولكن إذا أخذ بسياقه أوضح المراد والألفاظ قد تخون المتكلم ولكن إذا علم مقصده في كل الكلام فإنه يعذر وقد بينا أن من كلام الناس ما هو متشابه يشتبه على الناظر فيه ويشتبه على السامع له، فإذا نظر إلى هذا الكلام نظر طالب للمعذرة وطالب لحمل الكلام على أحسن محامله، فإنه يستريح ويريح ويبقى هذا الحق قائما، ويكون قد أدى هذا الحق لأخيه. إذن من فسر كلام أخيه تفسيرا مغالطا وحمله على أسوأ المحامل فإنه لم يؤدي حقه. وكذلك في باب الأفعال، لأن الأفعال أيضا لها احتمالات كثيرة، وقليل من الناس من يسأل أخاه لما تصرفت هذا التصرف، فقد جاء في نفسي منه. ولهذا يأتي الشيطان ويقول هذا التصرف هو لكذا وكذا، فإذا حملت تلك التصرفات على أمر واحد وشخصت ذلك التصرف فيه، فإنك في الواقع جنيت على نفسك ولم تحترم عقلك وفكرك، لأنك جعلت احتمالات التصرف احتمالا واحدا، وأيضا جنيت على أخيك لأنك جعلت تصرفه محمولا على أسوأ التصرفات لا على أحسنها. Donc le cheikh il explique qu'il y a une base, un fondement dans les fondements de la compréhension de la parole. Et le cheikh il dit que c'est que dans chaque parole il y a une indication, il y a des indications. Dans chaque parole que quelqu'un dit, il y a des indications, il y a des preuves qui vont nous montrer le sens de cette parole-là et qu'est-ce que cette parole signifie et comment on doit l'apprendre. Et parmi ces fondements-là, chez les usuliyin, parmi les preuves, il y en a une qu'on appelle ad-dilalatul hamliya. Ad-dilalatul hamliya, c'est-à-dire que on se base sur le contexte de la parole pour regarder qu'est-ce que cette parole-là peut signifier. Parce que si on prend un mot tout seul ou une parole en dehors de son contexte, ça se peut que cette parole-là, elle ait un sens qui est incorrect. Mais quand on ramène cette parole-là dans son contexte, eh bien on voit que cette parole-là, elle a un sens qui est bon et qu'elle est correcte. Et dans ce cas-là, on peut excuser la personne, du moins qu'on a su son intention. Parce que parfois, les mots qu'on utilise peuvent nous tromper. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les mots qu'on emploie peuvent nous trahir parfois. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est très important de retourner au contexte de la parole de la personne pour voir qu'est-ce qu'elle voulait réellement dire par cette parole. Parce que dans les paroles des gens, il y a des paroles qui sont ambiguës, qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs significations parfois. Lorsqu'on regarde cette parole, ça peut vouloir dire plusieurs choses parfois. Et donc, la personne qui entend, elle peut entendre cette parole et comprendre d'autres choses que qu'est-ce que la personne a vraiment voulu dire. Mais quand on regarde sa parole, hein, de façon générale, puis on regarde le contexte, là, on regarde dans le sens qu'on veut chercher une excuse pour notre frère, pour prendre sa parole dans sa signification la meilleure et la plus bonne. Et quand on agit de cette façon-là, nous-mêmes, on est en repos, on s'est reposé des problèmes, et on a reposé les autres, on a épargné les autres également de ces problèmes-là. Reste maintenant, yani, que ça fait partie des droits que ton frère avait sur toi et tu les as appliqués. Alaykoum salam. C'est-à-dire, ton frère, il avait un droit sur toi, c'est que tu prennes sa parole dans le bon sens. Et tu l'as fait. Donc tu as respecté un des droits de ton frère. Hein? Mais si tu prends sa parole et tu lui donnes une fausse interprétation, parce que des fois ça c'est ce qui arrive. Il y a des gens par exemple, quand ils entendent la parole de quelqu'un, c'est une parole, en apparence elle est bonne, mais ils essaient de l'interpréter, de lui donner un sens faux ou une mauvaise signification pour culpabiliser, montrer que la personne est coupable ou qu'elle a dit quelque chose d'incorrect ou qu'elle a fait quelque chose d'incorrect. Alors que cette parole-là, elle peut avoir un sens qui est correct. Hein? Et donc, dans ce cas-là, c'est mauvais. Hein? Donc, et allez, si tu agis de cette façon-là, tu as pris sa parole dans le sens le plus mauvais possible, dans ce cas-là, tu n'as pas respecté son droit. Tu ne lui as pas donné son droit. Et de même que dans les actions, c'est la même chose. Tu vois que quelqu'un, il agit de telle façon, et il peut y avoir à ce comportement-là, ou à cette façon d'agir-là, il peut y avoir plusieurs suppositions, plusieurs façons de comprendre pourquoi la personne agit de telle ou telle façon. Donc, le cheikh, il dit, il y a très peu de personnes qui vont aller voir la personne en question pour lui demander pourquoi tu as agi de telle ou de telle façon. Hein? Il y a peu de gens qui vont aller chercher à chercher des explications au comportement de quelqu'un en lui demandant directement. Parce que la personne, elle voit la façon comment la personne se comporte, puis elle, ça lui fait quelque chose en dedans, elle n'aime pas ça. Et donc, le shaitan vient et le shaitan lui dit, cette personne-là, elle agit comme ça à cause de telle ou telle raison. Et toi, tu l'as pris uniquement dans un seul sens. Et tu as dit, c'est uniquement dans cette signification-là seulement. Hein? Tu as analysé son comportement, puis ton diagnostic, ta réponse, c'était que c'était pour cette raison-là qu'il l'a fait. Puis tu le prends dans le mauvais sens. Le cheikh, il dit, quand tu agis comme ça en réalité, tu t'es fait du mal à toi-même. Tu as fait un crime contre toi-même parce que tu n'as pas respecté ta raison. Hein? Tu n'as pas respecté ton intelligence. Puisque tu sais très bien au fond de toi-même qu'il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi la personne a agi comme ça. Puis peut-être que c'est une raison qui est valable. Et en même temps, tu as fait un crime contre ton frère parce que tu as pris son comportement et tu l'as interprété dans le sens le plus mauvais et non le meilleur. Donc, ça, c'est un problème. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Ici, j'aimerais juste clarifier un point en mentionnant une parole dans une fatwa de Cheikh Zayd al-Madkhali qui détaille un petit peu plus la question, parce que parfois ces paroles-là, comme on l'a dit tout à l'heure, sont prises de façon générale et interprétées par la suite pour défendre des choses fausses. Donc, on a posé la question au Cheikh Zayd al-Madkhali. Hamlul kalam ala al-mahmal al-hasan zari'atan yatazarra'u biha al-kathirun fanaqulu ma ضابط المحمل الحسن وهل يفرق بين السني السلفي وغيره في ذلك. Donc ça, c'est une question qui a été posée au cheikh. Il dit que le fait de prendre la parole dans son sens le meilleur et dans un bon sens, c'est un moyen que plusieurs personnes utilisent aujourd'hui pour défendre des gens d'égarement et des gens de bid'ah. OK? Quelle est la règle qu'on doit suivre pour comprendre quand est-ce qu'on doit prendre la parole dans le sens le meilleur et quand est-ce qu'on ne doit pas le faire? Et est-ce qu'on doit distinguer là-dedans entre celui qui est sunni, salafi et quelqu'un d'autre? C'est-à-dire celui qui n'est pas salafi? Ou bien c'est général pour tout le monde? On applique cette règle-là à tout le monde? Hein? Parce que c'est ça qui arrive maintenant. Des gens, tu vois, par exemple, des fois tu vois quelqu'un, par exemple, parmi les gens, et tu vas lui dire, par exemple, un tel, il dit des choses qui sont contraires à la vérité, il a fait des erreurs dans ce qu'il dit. Là, tu dis ça à quelqu'un, fais attention, lui, il a des paroles qui ne sont pas correctes, ou dans ses livres, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il va dire, oui, mais bon, ces paroles-là, il faut leur donner un bon sens. Tu vois, il faut penser du bien de notre frère, il ne faut pas penser du mal. Hein? Yani, des choses de ce genre, des excuses comme ça pour défendre des gens. Donc, c'est quoi la règle? Quand est-ce qu'on prend la parole de notre frère dans le bien et quand est-ce qu'on le prend dans le mal? Et le cheikh il a répondu, cheikh Zayd il a répondu à ce sujet là. Il a dit Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Il dit amma ba'd fa innal kalam alladhi yanbaghi. En passant, j'ai traduit cette fatwa déjà. Elle est dans mon site déjà traduite en français si vous voulez avoir la traduction intégrale. Sinon là je vais juste faire une traduction rapide. Donc le cheikh dit fa innal kalam alladhi yanbaghi an yuhmal ala al mahmal al hasan wa yalzam husn al dhann bi sahibihi huwa alladhi yasduru min ahl al ilm al shar'i al sa'irin ala nahj al kitab al aziz wa al sunnah al mutahhara bi fahm al salaf al salih bi fahm al sahih al 'addina 'alayha bin nawajidh الذابين عنهما بما آتاهم الله من قدرات علمية وحكمة دعوية إن هؤلاء إذا جرى منهم أو من أحدهم حديث ما في حديث ما في أي موضوع ما وكان في حديثهم أو بعضه أو حديث بعضهم احتمال لشيء مقبول وشيء غير مقبول مثلا فإن الكلام والحالة هذه يحمل على محمل حسن على محمل حسن ويظن بصاحبه الظن الحسن مع الحرص على بيان الأمر وتجليته بالتفصيل حتى لا يبقى التباس على الناس لأن الحق واحد لا يتجزأ وعلى هذا الصنف من الناس جماعات وأفراد ذكورا وإناثا ينطبق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقول عمر رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. Donc le cheikh il commence en disant que la parole qu'on doit prendre dans son bon sens est la personne envers la personne qui l'a dit, envers lequel on doit avoir une bonne pensée et qu'on ne doit pas avoir de mauvais soupçons, c'est une parole qui vient de la personne qui fait partie des hommes de science, de la charia, qui suivent la voie du Coran et de la pure sunna avec la bonne compréhension et qui mordent là-dedans et qui s'accrochent à cela avec leurs molaires, qui mordent dedans avec leurs molaires et qui défendent le Coran et la Sunna avec ce que Allah leur a donné comme capacité et comme aptitude scientifique et sagesse dans la da'wah. Ceux-là, lorsqu'on voit de leur part ou de l'un d'entre eux dans un sujet quelconque une parole ou une partie d'une parole que dans cette parole il y a une partie qui peut avoir une partie qui est acceptable et une autre partie de sa parole qui est pas acceptable, par exemple, dans une parole qu'il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette parole dans le bon sens. Et on lui donne une bonne signification. Et on pense du bien de cette personne, tout en faisant l'effort de chercher à clarifier l'affaire. Et à demander à cette personne-là d'expliquer et de clarifier qu'est-ce qu'elle a voulu dire par cette parole en détail, pour qu'il ne reste aucun doute pour les gens par la suite. Parce que la vérité, c'est une seule vérité. Et elle ne se divise pas. Et donc, cette catégorie-là de personnes, que ce soit des individus ou des groupes, des hommes ou des femmes, on doit appliquer avec eux la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 12, dans surat al-Hujurat, « Ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, car certaines parts de la suspicion est un péché. » Et la parole de Omar qu'on a lue, dans la parole de tout à l'heure, qui dit que lorsque tu ne penses pas de mal d'une parole qui sort de ton frère, alors que tu peux trouver à cette parole une bonne signification ou un bon sens. Donc ça se rapporte à ceux-là. On pense de cette façon-là et on agit comme ça avec des gens qui sont sur la sunna et qu'on connaît comme étant des gens de la sunna et qui défendent la sunna et qui aiment la sunna. Maintenant le cheikh il dit واما المصابون بداء الجهل وامراض الشبهات والشهوات فانه متى صدر منهم ما فيه ضرر على الاسلام والمسلمين من بدعه مضله او خطا ناتج عن هوى متبع أو إعجاب بالرأي أو اقتداء بمنهج خطأه أكثر من صوابه وضرره أعظم من نفعه وضلاله أظهر من هدايته فإن من هذا شأنهم لا ينبغي أن يحسن بهم الظن ولا تلتمس لأخطائهم المعاذير فيما دونوه بأقلامهم أو نشروه في وسائل النشر فأوصلوه إلى سمع الناس وقلوبهم ليكون لهم فتنة في دينهم وشر على المسلمين وأبنائهم من هؤلاء من خالفوا الجماعة في هذا الزمن في كثير من مسائل الاعتقاد والقربات العلمية والمناهج الدعوية والجهادية والإصلاحية وذلك كأصحاب المبادئ الهدامة والنحل الخاطئة والمناهج والأفكار المنحرفة والاتجاهات المتحزبة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم رحمهم الله ورضي الله عنهم. Le Cheikh il dit que en ce qui concerne ceux qui ont été frappés par la maladie de l'ignorance et les maladies des doutes et des suspicions et des désirs et des passions, du moment qu'on voit de leur part quelque chose qui sort et qui peut causer un tort à l'islam ou aux musulmans, comme une bid'ah qui peut égarer les gens, ou une erreur qui vient à la base d'une passion ou de quelque chose comme une opinion que la personne suit parce qu'elle est éblouie par sa propre opinion, hein, et elle suit une méthodologie ou une règle dont l'erreur est plus grande que qu'est-ce qui est correct dedans, ou dont le tort est plus grand que ce qui est bénéfique, ou dont l'égarement est plus apparent que la guidance dedans, et bien dans ce cas-là, on ne doit pas penser du bien de cette personne, et on doit chercher, on ne doit pas chercher des excuses à leurs erreurs, dans ce qu'ils ont écrit avec leurs plumes, et dans ce qu'ils ont diffusé par les différents moyens, hein, des différents moyens de diffusion qu'ils ont utilisé pour faire arriver aux oreilles des gens et au cœur des gens ces choses-là, ces paroles qui sont pour eux par la suite une fitna, qui seront pour les gens une fitna dans leur religion et un mal pour les musulmans et pour leurs enfants. Donc ceux-là sont les gens qui ont contredit la jama'a à cette époque dans plusieurs questions des questions de la croyance et des adorations, dans la science et dans les méthodologies et dans la da'wa et dans le jihad et dans la réforme, et donc comme les gens qui suivent différentes méthodologies, des fondements qui sont en opposition avec l'islam, qui cherchent à détruire l'islam, ou bien des voies qui sont des voies d'erreur et des méthodologies et des idéologies et des pensées déviées et des orientations qui sont des orientations de groupe et de partisanerie qui sont en opposition avec le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a et des salaf salih et de ceux qui les ont suivis radiyallahu anhum. Wa min hadha al-'ard al-mukhtasar yadhharu laka ayyuha as-sa'il al-farq bayna as-sunni as-salafi wal-bid'i al-khalafi fi al-umur al-madhkur. Donc juste avec cette petite présentation qu'on a fait maintenant, eh bien il est apparent maintenant pour toi qui a posé cette question que tu peux faire la différence entre celui qui est sunni, salafi, et celui qui est bid'i, khalafi. C'est-à-dire celui qui est sur la bid'a et qui suit autre que les salaf. Donc, qu'est-ce qu'on a mentionné ? Thumma, inna ma nasma'uhu min qadati ahli al-ahwa'i wal-bid'i fi hada al-zaman wa atba'ihim al-muqallidina lahum min kalimatin al-talbisu huwa jahlun wa makr. من كلمات التلبيس هو جهل ومكر، وذلك أنهم يستخدمون تلك الكلمات لتسويغ ما ينشره مناظروه وساساتهم مما فيه هدم لبعض السنن المتعلقة ببيان العقيدة السلفية الصحيحة والمنهج العلمي، ولتحل محلها البدع الضالة المضلة كقولهم لأهل الحق حسنوا الظن بإخوانكم، يعنون بذلك الإخوان الحزبيين المتكتلين ضد العلماء السلفيين الذين أنكروا وينكرون على الجماعات وتعددهم وتفرقهم واعتصامهم بمناهج مستوردة وتناهض كثيرا من عواصم المنهج السلفي الحنيف كقولهم عن قادتهم حينما ينشرون المحدثات هم مجتهدون المصيب منهم له أجران والمخطي له أجر ولا حرج عليه واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه ولا يخفى على أولي البصائر أن استدلالهم بهذا النص الشريف على التسويغ بدع المبتدعين وأخطاء المخطئين في غير محله وما ذلك إلا لأن النص لا ينطبق إلا على من هو من أهل الاجتهاد حقا ومن أهل البراءة من أهل الأهواء والبدع صدقا أما من لم يكن كذلك فإنه لا ينبغي أن ينصف مع العلماء أو يصنف مع العلماء المجتهدين الذين أحرزوا حظا وافرا من علوم الكتاب والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق العملي قولا وفعلا سرا وجهرا باطنا وظاهرا والله أعلم. Donc le Cheikh il termine ça en disant que il faut savoir que qu'est-ce qu'on entend de la part des têtes des gens de la bid'a et de la passion à notre époque et ceux qui les suivent parmi les gens qui les suivent aveuglément, ils font exprès d'utiliser des paroles d'ignorance et des paroles de ruse, des paroles qui peuvent avoir plusieurs sens, ils font exprès de les utiliser, justement pour toujours avoir une porte ouverte pour essayer de s'enfuir et de donner à leurs paroles une interprétation qui peut être correcte. Alors, donc il faut être au courant de cette ruse-là de la part de ces gens-là. Ils utilisent des paroles pour essayer de juste de faire passer ce qu'ils veulent diffuser ou ce que leurs penseurs et leurs théoriciens et leurs chefs veulent faire diffuser parmi les idées qui peuvent détruire certains aspects de la sunna qui s'accrochent à qui ont rapport ou qui ont un lien avec la aqida salafia qui est correcte et la méthodologie scientifique et à l'application de l'islam et ils veulent remplacer les sunan par des différentes formes d'innovation et d'égarement, en disant par exemple, par la suite, aux gens de la vérité, pensez du bien de vos frères. Ils font exprès, ils utilisent des paroles qui sont ambiguës, puis ils l'utilisent pour combattre la sunna, puis après, quand on leur dit, qu'est-ce que vous dites là, c'est faux, et qu'on réfute ces gens-là et qu'on avertit contre eux, ils disent « Non, mais pensez du bien de vos frères, ils ont voulu dire du bien, ils n'ont pas voulu dire du mal. » Donc ils jouent comme ça. C'est pour ça que certains ont été accusés d'avoir un double langage. Et des fois, ce n'est pas un double langage, mais c'est un langage codé qu'ils emploient pour que tout le monde comprenne de sa parole ce qu'il veut. C'est-à-dire, tu vas parler devant des gens, tu vas utiliser des termes tellement vagues et tellement ambigus que n'importe qui va t'entendre parler va pouvoir croire ou penser de ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait son affaire? Donc ça, c'est pas la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wah et c'est pas comme ça qu'on doit suivre, c'est pas cette voie-là qu'on doit suivre puisque les ulama qui ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, ils ont toujours fait des efforts pour être le plus clair possible et le plus explicite possible pour éviter justement et éliminer tout doute qui pourrait planer au sujet de la signification des paroles qu'ils disent. Et donc, c'est pour cette raison-là, le cheikh dit que quand ils disent « pensez du bien de vos frères », de qui ils parlent? Ils parlent de qui quand ils disent « nos frères » Ça rentre avec le sujet dont on parle, la fraternité. De qui ils parlent quand ils disent « nos frères » Ils parlent des « hizbiyin ». Ils parlent des gens de bid'a. Ils parlent des gens qui se réunissent contre les ulama et qui dénoncent et qui critiquent et qui attaquent les ulama parmi les différents groupes qui justement se réunissent pour combattre les ulama et la sunna. Et pourquoi ils s'attaquent aux ulama salafiens en particulier? C'est parce que les ulama salafiens, les ulama qui sont salafis et qui suivent la voie des salafs, sont les seuls à les réfuter. Sont les seuls à montrer leurs égarements, sont les seuls à montrer leur fausseté. Et donc, les ulama salafiyin, ils mentionnent que leurs groupes sont des groupes d'égarement, que de se réunir et de se rallier et de s'unir sur autre que les fondements d'Ahl Sunnah, c'est interdit, et que ces méthodologies-là qui viennent de l'extérieur sont des méthodologies qui sont des méthodologies d'égarement. Et donc, lorsqu'ils voient ça, donc c'est pour cette raison-là qu'ils s'attaquent donc au manhaj des ulama et des salafiyins. Lorsqu'ils disent, par exemple, également pour défendre leurs innovations, ils utilisent des shubuhat. Ils disent non, mais ceux qui ont fait ces choses-là, ces innovations-là, ce sont des mujtahidoun et ils se sont trompés. Donc ils ont quand même une récompense pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis ils n'ont pas de péché, ils seront pardonnés. Et le cheikh, il dit que il se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque le juge a fait un jugement et qu'il a eu une bonne réponse, ou il a eu la vérité dans son jugement, dans ce cas-là, il a deux récompenses. Toutefois, s'il a fait un jugement et qu'il a une mauvaise conclusion, dans ce cas-là, il a une seule récompense et son erreur est pardonnée. Hein, il n'a pas de péché. Donc, le cheikh, il répond, il dit qu'il n'y a pas de doute que ça, c'est les personnes qui ont une compréhension et une connaissance, ils vont savoir que cette preuve-là, elle ne peut pas justifier ce que ces gens-là font comme innovation et comme bid'a, et ne peut pas justifier non plus les erreurs de ce que ces gens-là font comme erreur, puisque ce texte-là se rapporte uniquement aux gens qui font réellement partie des gens de l'ijtihad, et non pas aux gens de bid'a et aux gens de la passion qui veulent essayer d'utiliser cette excuse-là pour justifier leurs innovations et leurs bid'a. Donc, en ce qui concerne celui qui n'est pas parmi les ulama mujtahidin et qui fait partie des gens de bid'a, on n'a pas le droit de les classer parmi les ulama mujtahidin. Hein? On n'a pas le droit de les classer parmi les ulama al-mujtahidin, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'explication de Cheikh Zayd al-Madkhali à ce sujet-là. Donc, comme pour clarifier par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que on doit penser du bien de nos frères donc, quand ils parlent. C'est des gens qu'on connaît comme étant des gens qui sont sur la sunna, qui sont sur la voie des salafs, qui aiment la salafia, qui aiment les ulama, qui détestent les bid'a, qui combattent les méthodologies et les voies d'égarement et les groupes et les sectes. Et ça, c'est quelque chose qui est connu de leur part, que c'est la voie qu'ils suivent et c'est ça leur méthodologie, c'est ça leur base et c'est ça leur fondement. Ceux-là, s'ils disent quelque chose qui a peut-être une fausse signification, on va lui donner le bénéfice du doute. On va dire, bon, probablement qu'il a voulu dire quelque chose de bien, mais qu'il s'est trompé. Et ainsi de suite. Puis on va aller le voir, puis on va lui demander de s'expliquer, puis il va clarifier qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais en ce qui concerne les gens qui sont connus comme étant des gens qui sont sur la hizbiyya, ou sur des groupes, ou sur des sectes, ou qui défendent des bid'a à la base, c'est ça leur principe de base, c'est ça leur référence de base, ils sont toujours comme ça. Puis on les présente comme étant des gens qui prêchent l'islam, qui appellent à l'islam. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là s'ils disent quelque chose de faux? Est-ce qu'on dit, ah, mais ces gens-là, il faut leur donner le bénéfice du doute, peut-être qu'ils ont voulu dire quelque chose de bon? Hein? Non, puisque on sait déjà à la base que leur méthodologie, c'est une méthodologie d'égarement. Hein? On ne va pas agir envers eux de la même manière qu'on agit avec quelqu'un qui est salafi. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple tout à l'heure aux frères sur le fait que il y a la personne qui est connue comme étant une personne qui est salafi, hein, et la personne qui est connue comme étant une personne qui est clairement sur une bid'a. Il y a des degrés de bid'a aussi. Il y a des différences entre les gens qui font des erreurs et qui font des bid'a. Si c'est quelqu'un, il te le dit directement. Oui, moi je suis avec les frères musulmans. Moi je suis avec les soufis. Moi je suis avec les chiites. Moi je suis avec les tablis. Moi je suis avec tel secte, tel groupe. Et il les défend, et il les aime, et il les supporte. Celui-là, il n'y a pas de doute, tu le sais déjà. Tu sais déjà que c'est une personne qui est dans la bid'a, qui est dans la hizbiyya. Hein? Si tu connais les bases de la salafia, tu sais tout de suite, cette personne-là est dans l'erreur. Elle s'apparente, elle s'attribue elle-même à la bid'a. Ça, c'est clair. Son cas, c'est clair. L'autre personne, par contre, elle est connue comme étant une personne qui est sur la salafia, mais elle vient avec une parole de bid'a qui est claire aussi. Une parole d'une bid'a qui est apparente. Comme par exemple, elle dit oui, on a le droit de se révolter contre les dirigeants. Puis elle se dit salafia. Dans ce cas-là, on va dire non, ça se peut pas. Ça, c'est un des fondements parmi les fondements de la salafia. Puis toi, tu te dis salafi, tu contredis clairement la parole des salafis. Donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas être salafi. Hein? Ou bien des choses de ce genre. Ou bien, salafi vient et te dit, par exemple, moi, je ne prends pas les hadiths ahad sur l'aqida. Tu ne peux pas accepter ça. Des exemples comme ça, tu vois. Des bid'ah clairs, connus. Ça ne se peut pas qu'un salafi ignore ces choses-là. Hein? Et un autre exemple, c'est quelqu'un, par exemple, qui va faire une erreur, qui est connu comme étant un salafi, qui fait très attention, qui prend des références toujours authentiques, et qui se réfère toujours au grand ulama, et qui prend que des salafis, puis qui fait très attention, mais que dans un petit détail très subtil de la religion, il fait une erreur, ou il dit une chose qui est incorrecte. Celui-là, c'est dans des cas comme ça, là, les ulama, c'est eux qui vont étudier, analyser la situation, ils vont essayer de clarifier l'affaire, ils vont lui donner le bénéfice du doute, pour voir qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et il y a des ulama qui disent que s'il est déjà mort, on lui pardonne, puis on fait des doigts pour lui pour que Allah le pardonne. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui le pardon. Tandis que s'il est encore vivant, là il faut aller le voir. Les ulama vont lui parler, vont lui donner la nasiha et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc des choses de ce genre. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour clarifier, pour pas que des gens prennent des paroles en dehors de leur contexte, puis prennent des règles générales, et puis qu'à par la suite, ils les appliquent à des individus qui ne sont pas concernés par ces paroles-là. Hein? Il y a des gens, on les entend parler maintenant de l'islam. Les gens qu'ils écoutent sont des hizbiyin et des gens de bid'ah. Leurs références sont des gens de bid'ah. Ils sont associés avec des gens de bid'ah. Ils sont toujours avec des hizbiyins, tout le temps. Et de temps en temps, ils vont mentionner un savant qui est sur la sunna, pour essayer de se faire passer pour des gens qui sont sur la sunna. Alors qu'ils contredisent ces savants-là dans plusieurs des fondements de la sunna et de la salafia. Et ils critiquent la salafia par la suite. Donc nous, on va dire non. Ces gens-là ne sont pas des salafis. Ces gens-là ne sont pas des salafis, même s'ils veulent essayer de se faire passer pour des salafis. Parce que la salafia, c'est établi sur des fondements et des